Le direct? On l'a vu hier, mais c'est ça, on dirait que je me rappelle pas. Le direct? Vous l'avez vu hier par quelqu'un? Mais dans le cours de biochimie, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Non, mais on l'a pas vu, mais on en a vu. Ok, je repose ma question différemment. C'est quoi le test de Coombs? Le test de Coombs, c'est le test qui nous permet de voir s'il y a des. Dans le fond, s'il y a eu échange de pas. Je pense qu'il y a des On va généraliser, c'est des anticorps. Des anticorps, ok. S'il y a eu des anticorps de la mère par le début. C'est plus de la mère ou c'est pour. Non, c'est pour pas grave. L'anticorps, c'est plus de la mère, c'est vrai. Bon, donc, à qui est-ce qu'on fait le test de Coombs direct? À qui est-ce qu'on fait le test de Coombs indirect? Si on prend votre situation, là, on prend ma mère, on prend le bébé. Bébé direct. Pourquoi bébé direct? Parce que c'est lui. Je sais pas. Parce que c'est lui qui. Ça, ça s'appelle apprendre par cœur. C'est pas correct. Mais si vous le faites comme ça, un jour ou l'autre, vous allez devenir fou. Il faut bien comprendre pourquoi. Oui. Parce que c'est lui qui a formé les anticorps. Justement, quand il a reçu du sang de la mère, il a formé des anticorps contre le sang. Fait que c'est là qu'on va aller chercher les anticorps. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Ben c'est vrai que c'est dans le sang, là. Hein? Je pense qu'on a besoin d'ajuster nos... Moi, j'ai de la misère à comprendre, même en lisant. On va aller à vous, pour vous croyez que c'est la mère qui développe les handicaps? Mais vous n'êtes pas sûr. Non. Quel bel avant-midi, on va avoir. Oui. Fait que, mais dans le fond, ça, c'est un test pour la compatibilité des RH. Fait que si la mère est négative, dans le fond, c'est possible qu'elle développe des anticorps au rhésus positif. Fait que si le bébé est positif puis qu'il y aurait un échange de sang, bien, la mère va développer des anticorps contre le RH positif. Puis si elle est enceinte une autre fois, bien là, c'est possible qu'elle rejette le prochain fœtus parce qu'elle va le reconnaître puis elle va essayer de l'éliminer. Fait qu'ils font la recherche d'anticorps chez la mère. Ouais. C'est bon, on commence à... rapporter nos connaissances, c'est bon. Oui. Mais est-ce que le comme indirect, c'est dans le plasma qu'ils font le prélèvement, c'est le ça? Le plasma de qui? De la mère, bien c'est ça. Mais dans le fond, si on cherche les anticorps chez la mère, ça va être le comme indirect. Parce que si le comme indirect, c'est dans le plasma qu'on prend, bien, c'est ça. Comme indirect, c'est, ça va, on verra, c'est toujours dans le plasma. Et un comme direct, c'est sur les cellules. Oui? Non. S'il n'y a pas beaucoup d'anticorps, ils vont juste pas se brancher beaucoup sur les globules rouges, on va juste pas être capable de les détecter. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est ça, on y arrive. Okay? Donc, pour arriver à ça, on va reprendre en quelques mots ce qu'on a vu la semaine passée, les groupes sanguins. Vous vous souvenez, c'est surtout ça vient que ça me mette deux ingrédients à la droite au lieu de deux seuls. Les glycoprotéines, les glycolipides, toutes sortes de structures qui peuvent porter, dans le fond, nos parties antigéniques, donc qui deviennent des antigènes de groupe sanguin. On a dit, je vous rappelle, nos groupes sanguins, par exemple, la molécule A, le groupe A, on peut avoir 1 million de cette molécule-là sur chacun des globules. Le groupe B, il y en aura un autre. Donc, on s'était dit, vous vous rappelez, c'est codé dans notre génome. Donc, dans nos chromosomes, on aura les groupes sanguins ABO, Rhésus, Lophique, etc. Ça va donc s'exprimer, ceci étant le globule rouge, ça va donc s'exprimer sur la membrane du globule rouge par une molécule qu'on va avoir identifié comme la molécule A, l'autre qui va s'appeler la molécule B. Quand il n'y aura ni l'une ni l'autre de ces deux molécules-là, on appellera ça la molécule H. Ça s'appelle le groupe O. Donc, on a des techniques pour aller faire ça. Et on s'était parlé, la semaine passée, que la façon facile, ou la façon d'utiliser, c'est toujours d'utiliser des anticorps pour être capable de détecter ces molécules-là. Donc, on a vu un peu les structures rapidement des anticorps et on s'était dit que dans votre profession, ce qui est important que vous vérifiez, c'est toujours l'IgG, parce que l'IgG est beaucoup plus petit que l'IgM. Et l'IgM ne passera pas la barrière placentaire, tandis que l'IgG va passer la barrière placentaire. Donc, si maman a développé des anticorps qui peuvent être reconnus à la surface des globules rouges de bébé et que ces anticorps-là sont des IgG, ils vont passer à travers la barrière placentaire, ils vont aller se brancher sur les globules rouges de bébé et ils vont amener la lyse des globules rouges de bébé. Ce qui n'arrivera pas ici pour les IgG. Si vous avez la malchance d'avoir une pathologie grave, du type grippe d'homme, vous allez produire une première série d'anticorps, vous le verrez en immuno, qui sont des IgM. C'est une défense un peu innée, ça se passe assez facilement. Tant que le système immunitaire n'aura pas fait tout le travail que vous verrez qu'il y a à faire, vous n'aurez pas de production d'IgM. Quand le système immunitaire va avoir monté sa réponse, s'il reçoit une deuxième fois le même envahisseur, il va relâcher très rapidement des IgG. Ça va être un peu le cas de maman qu'on verra et qu'on nous a expliqué avec une certaine justesse. Donc, on avait vu aussi nos groupes sanguins, on avait vu comment faire des bébés d'un point de vue hématologique, bien sûr. Donc, on s'était dit qu'il y a d'abord le phénotype, donc le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Ce sont les phénotypes. Quand vous dites « je suis de groupe A », vous donnez votre phénotype. Si je veux savoir votre génotype, j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin et aussi de connaître papa et maman pour savoir quel allèle vous aurez reçu de maman et quel allèle vous aurez reçu, donc quel gène vous aurez reçu de maman et de papa. Si le phénotype A, vous allez donner du sang, on vous dit que vous êtes de groupe A, ben vous pouvez avoir les génotypes suivants. A de maman, O de papa. Ça va quand même donner A puisque O est silencieux. A, A, A, A, A, A, A, de force. Mais vous pouvez avoir au moins en haut et en bas. Donc, maman, papa, je vais se faire ça. Mais le phénotype donne la même chose, le génotype donne. C'est toujours ou presque une question d'exemple. On va expliciter si simplement que ça, mais ça arrive régulièrement. Donc, c'est la même chose pour B, c'est la même chose pour AB. Vous voyez qu'en B, il n'y a pas de grande possibilité. Vous avez reçu A de maman, B de papa, ou l'inverse. Ça va vous donner le groupe AB. Vous n'avez pas la même autre possibilité que ça. Est-ce que bébé AB pourrait avoir maman de groupe O? Je cache personnellement. Non. Bon, c'est dans tout le monde. Pourrait-il avoir papa de groupe O? Non. Non plus. C'est bon. Donc, si papa testé est trop haut, on a un autre type de problème. C'est pas un problème d'immunohématologie. C'est bon. Donc, quand papa et maman font la chose, ça finit comme ceci. Donc, de là, l'importance, on disait, de choisir maman ou de choisir papa sur les trois valeurs. Valeur hématologique. Mais si un des deux parents est AB, oui. Puis l'autre parent est O, okay. ça va donner AB ou A ou B? Donc j'ai AB, O, ça ne peut pas être autre chose que ça. Lui ne peut pas être autre chose que ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc si je fais des bébés avec ça, je pourrais avoir AO, je pourrais avoir BO. Il ne peut pas avoir d'autre chose. Donc, j'aurai des enfants Ah, ok, non, je viens de comprendre. Qui sont nécessairement soit A, soit B. Ok. Parce que AB, c'est pas comme juste A, mettons. C'est A plus B, ok. Oui, parce que, rappelez-vous, okay. on a vu que, ici, ouais. le A, on a tous, à la surface de nos érythroblastes, la substance A, on a reçu de ma mère, de papa, de le gène A, qui produit cette protéine, qui transforme la substance A, ajoute ceci, ça s'appelle la substance A, l'antigène A. On a reçu le gène B, une autre enzyme, on produit un galactose, ça s'appelle l'antigène B. On a reçu ni B, ni A, on exprime A. C'est le groupe O. Donc, AB, c'est pas un complexe, c'est deux choses. C'est comme, mettons, une personne qui est AO, là. Mais on dit juste A, mais là, on ne peut pas juste dire A parce que c'est AB. Exactement. Donc, on a les deux molécules exprimées, A et B, parce qu'elle a les gènes B et A. Okay. Tandis que O, si c'est AO, ben on dit A parce que O est silencieux, on ne le voit pas passer, on ne s'en occupe pas de O dans ce centre de transformation. OK. Oui. Quelqu'un qui est AB, le A va nécessairement par exemple, la mère ou le père, puis le bébé va vous donner aux parents? Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement le schéma qui est là. Alors, donc, maman ou papa a donné A, puis maman ou papa a donné B. Mais maman ou papa aurait pu être, toutes sortes de groupes, pourrait être, maman, si elle a donné B, elle pourrait être B, elle pourrait être O? Non. Non. Elle pourrait être AB, par exemple, puisqu'elle aurait donné le B de son AB. Ça va? C'est un élément pour vous, vous allez devoir tester tout le temps, sur tous les clients, sur tous les parents, ça fait partie de moi. Okay? Vous aurez à l'interpréter aussi comme tel, et de grâce, votre téléphone est propre. Fait que mettons là, que les deux parents sont AB, il peut avoir un enfant B ou un enfant A ou, Mais, AB. C'est tout. Oui. Mais il pourrait avoir AB. A, B ou AB. Donc, l'intellect parenthèse de coup, c'est une marque positive, un positif. Aucun intellect. J'ai pas d'enfant. Non, pas. Ceux qui font ça, la seule chose qu'on peut aller vérifier, d'abord, ça sera un test de coup des intellects. Puis ça serait pour savoir si vous aviez. Par exemple, tu dirais, écoute, j'ai eu un avortement, j'ai eu un accident, j'ai eu des transfusions. Il y a un anamnèse qui pourrait amener. Mais dans une situation normale, d'une prime part, qui est RH positive, vous me direz que ça serait. Combien de directs ça serait? C'était pas déjà le groupe de Bombay. Donc, ni A, ni H, ni B, le groupe de quoi? Bombay. Le Bombay. Parce que. Ici, ils ont deux petits H. Ça arrive de façon exceptionnelle dans le monde. Donc, ils ne sont pas capables de produire cette enzyme-là, parce que c'est deux petits H. S'ils ne produisent pas cette enzyme-là, ils ne sont pas capables d'ajouter cette molécule-là. Donc, on n'a pas de substance H. On a le précurseur. Et aucune de ces deux enzymes-là est capable de travailler sur le précurseur. Ils ne sont pas hauts non plus à la Non, ils ne sont pas hauts, ils ne sont pas hauts, ils sont bons. Okay. Oui. Du coup, si on est AB, ça veut dire qu'on a un gène A, un gène B. À la surface de chacun de nos érythrocytes. Oui. Non, c'est deux molécules différentes. Bon, oui. Le rivier pas différencié entre le Bombay. OK. On va commencer par Bombay. Normalement, on a tous un grand H qu'on reçoit dans nos jeunes. Soit le papa, soit le maman. On peut avoir, l'un d'entre nous, on peut être un petit H, mais ça n'a pas d'importance. C'est comme le gros O. Donc, c'est comme les gros papiers. Donc, ça veut dire que le grand H est opérationnel. Grand H produit une enzyme. Travaille à la surface de nos érythroblastes sur cette molécule-là qui s'appelle le précurseur. Ajoute on a un fucose. C'est ça la différence entre ça et ça. On ajoute un fucose. C'est tout simple, mais ça change la structure dans mon école. Quand on ajoute un fucose, ça s'appelle la substance H. À partir de cette substance-là, de sa portion tridimensionnelle, ces deux enzymes-là peuvent travailler sur cette molécule-là et en faire ces molécules-là. Si je n'ai ni cette enzyme-là, ni cette enzyme-là, c'est donc la substance H qui est exprimée, puisque je ne la travaille pas, c'est exactement celle-là qui est ici. Ça devient de gros poids. Si je n'ai pas de... Si j'ai deux petits H ici, je ne suis pas capable d'ajouter ceci. Donc, je n'ai que cette molécule-là, et ni ça n'est capable de travailler, mais ça, ce n'est pas la molécule H. Donc, ce n'est pas pour. Oui? Donc, le syndrome de Bombay, c'est que je n'ai pas le H, mais est-ce que ces gens-là, ils ne peuvent pas se faire une descente? Non, c'est très, très. On avait dit la semaine passée, c'est extrêmement. Si ces gens-là ont des problématiques hématologiques, c'est extrêmement complexe. Parce que n'importe quel globule qu'on va donner est un agresseur, est un envahisseur. Il y a une autre personne avec ce syndrome-là. Ça prend ces bandes-là. Sinon, il faut faire comme de abaisser le système immunitaire pour réussir à ce que le système immunitaire réagisse. C'est pas à toi d'art. C'est de la littérature, parce qu'il n'y en a pas, et c'est tant mieux comme ça. Là. Mais ça a permis d'expliquer, dans le fond, les mécanismes. Oui. Puisque Ingrid a dit que les gens qui sont à risque, est-ce que. Ils ont des cellules anti-A, des cellules anti-B, sur la même cellule, mais c'est pas la même molécule. C'est deux molécules différentes sur la même cellule. Sinon, ils ne seraient pas de groupe. Ils seraient de groupe A. Puis il y aurait des érythrocytes B, puis les érythrocytes B, ça serait un petit peu problématique. OK. OK? Ça va-tu pour ça? On va passer un peu plus dans le concret. RH, je vais vous l'expliquer d'une façon plus simple. Ce qui est dans le tablier, si on veut bien le saisir. Là. RH, c'est un ensemble de molécules transmembranaires, qu'on sait à peu près. Et dépendamment de comment ils vont être positionnés dans la membrane, c'est-à-dire qu'ils vont sortir ou pas de la membrane, on devient RH positif ou RH négatif. Donc, si ils ne sortent pas de la membrane, de la vie, ça c'est la membrane des cellules. S'ils ne sortent pas de la membrane, on est RH négatif, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui est capable de reconnaître ces molécules-là à la surface. Ils ne sortent pas, on ne peut pas les reconnaître. Et s'ils sortent, on les reconnaît. 85% d'entre nous ont la molécule RH présente, donc on est RH positif. Et 15% d'entre nous n'ont pas la molécule. Mais ils ont la molécule RH, mais pas apparente. Donc, ils sont RH négatif. Aucune idée. C'est correct, hein? Je ne veux pas que je compte des peurs, hein? Puis on ne le sait pas. Oui. Lequel est dominant et lequel est récessif? RH positif ou RH négatif qui est dominant ou récessif? RH, on l'exprime dans la littérature toujours en groupe par la lettre D, grand R. Donc c'est le même principe un peu. Si vous êtes grand D, vous êtes RH positif. Si vous êtes grand D, petit d, vous êtes RH positif. Si vous êtes petit d, vous êtes RH négatif. Donc, il faut avoir reçu l'allèle petit d de maman, l'allèle petit d de papa, et à ce moment-là, vous êtes RH négatif. C'est 15% de la population qui est comme ça. Rappelez-moi, on avait 5, je pense, RH négatif. Combien on avait d'RH négatif? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. On avait 5 RH négatifs. On est 20. On n'est pas tout à fait dans la bonne proportion. Mais, en tout cas, on ne sait pas. Les statistiques, c'est toujours pour des grands groupes. Donc, cette molécule-là, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? C'est une molécule qui est extrêmement immunogène. Donc, ça veut dire que peu de molécules RH sont capables d'activer notre système immunitaire. Donc, ça en prend juste un petit peu de molécules pour activer notre système immunitaire. Contrairement à d'autres. Donc, c'est une molécule qu'on appelle immunogène. Et dans ce sens-là, c'est une molécule qui a été beaucoup surveillée en immunohématologie, particulièrement en obstétrique, parce que c'est une molécule qui, lorsqu'elle est introduite dans le corps, elle fait beaucoup d'anticorps. Parce que c'est un agresseur puissant, si vous voulez. Donc, comment ça se passe chez maman? Maman, dans le fond, choisit le papa pour une mauvaise raison. Donc, dans l'amour, tout ça. Et donc, ça finit par faire bébé. Et bébé est RH positif, mais maman est une de nos cinq collègues et RH négatif. Bébé se développe et dans la majorité du temps, il y en a pas de problème. Okay? Même si bébé est RH, RH positif, maman est RH négatif. Mais à 28 semaines, quand il y a des versions, il peut arriver des micro-décollements et là, il y a un petit peu de sang qui passe chez maman. Ça n'en prend pas beaucoup, on le verra au laboratoire, je vous montrerai qu'est-ce que ça équivaut, 100 microlitres de sang. C'est un petit bout de pipette, des micro. Ouais. Un petit bout de pipette, c'est suffisant en nombre de globules rouges, RH positif, pour entraîner le feu chez maman. Donc, c'est comme si elle avait n'importe quel agresseur qui rentre, elle va, son système immunitaire va capter les cellules, va les phagocyter, va les présenter au système immunitaire. Le système immunitaire va développer des lymphocytes, des plasmocytes, des anticorps. Vous allez tout voir ça après. Et là, maman va rester comme ça. Pas de problème, pas trop de problème, 28 semaines, ça continue. Il n'y a pas de symptômes quand ça arrive? Non, non. Le système immunitaire est comme ça? Oui, il n'y a pas de problème. Normalement, non, pas plus. On arrive à l'accouchement. Deuxième moment où il y a une possibilité de passage du sang de bébé à maman. Donc, deux moments charnières, version puis où est. Il peut repasser des globules rouges. Monsieur repasse des globules rouges, puis il en a déjà passé. Prenons la situation où il en a déjà passé à 28 semaines. Qu'est-ce qui arrive? Maman met le feu à son système immunitaire, produit un paquet d'anticorps. C'est pas grave, le bébé est sorti. Et la deuxième fois, quand on est confronté à un antigène, on produit des IgG. La première fois, c'est des IgM. D'habitude, quand je faisais les deux coups, ben, là, j'arrêtais la fonction hémato ici. Je faisais la fonction immuno, pour qu'on comprenne bien. Puis après ça, je repartais avec la fonction hémato. Mais là, ma mère va donc développer un paquet d'IgG. Ça s'en va dans sa circulation. Bébé est là, c'est pas grave. Ça reste comme ça. Ma mère est fidèle, conserve le même conjoint, mal sélectionné au départ. J'en ai fini par vous en rappeler. Les gros BH. Et donc, ça recommence. Tant qu'il n'y a pas de contact du sang de bébé avec maman, il n'y a pas de problème. Il pourrait arriver au monde sans aucun problème. Mais il pourrait, à 28 semaines, bouger un peu, okay, faire des micro-décollements, envoyer quelques cellules, et là, ça va l'entendre encore moins, chez maman. Maman, ayant déjà été immunisée contre le groupe RH, ces cellules-là vont faire exploser son système immunitaire, elle va produire extrêmement rapidement des IgG. Les IgG sont tout petits, vont passer la barrière placentaire, vont en débrancher ces globules rouges de bébé, parce que c'est des IgG anti-RH. Vont aller se brancher sur les globules rouges de bébé, vont entraîner la lyse. Ça peut aller, ça pourrait aller, parce qu'aujourd'hui c'est de la littérature, ça c'est déjà arrivé, ça pourrait aller jusqu'à l'anarsacre sur le placentaire, donc vraiment la mort in utero. C'est rare qu'on en arrive à ça, parce que maintenant, toutes les femmes RH négatives ont la possibilité de prendre le vaccin mono. Est-ce que tout le monde le prend? Non. C'est votre choix, un libre choix, un choix éclairé. Ben, des bons mots, hein? Ben, c'est ça. Des bons mots, C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez le choix. C'est comme prendre une police d'assurance ou pas d'avoir. À la limite, ça revient à ça. Donc, les conséquences pour maman sont jamais... il ne peut rien se passer chez maman. Il n'y a pas de danger. C'est toujours pour bébé. Maman, elle, quand même, elle produirait deux pelletés dans le corps, ça ne prendra pas rien pour maman. Donc, c'est toujours une police d'assurance pour bébé. Oui? Est-ce que c'est la première grossesse? Non. Comme je viens de le dire, c'est toujours à la deuxième grossesse. Parce qu'à la première grossesse, la première grossesse sert, s'il y a un problème, à armer le système immunitaire de maman. La deuxième grossesse, c'est là que le déclenchement. Le vaccin, non, on le donne tout de suite. Les femmes, OK, les femmes RH négatives, on leur offre à 28 semaines de la première grossesse le vaccin. Et à l'accouchement, ou deux moments. Ou bien les fausses couches aussi, tu les fausses couches, les curetages, tout ce qui est de ce type-là, dans le fond. Oui, tout à fait, vous avez raison. Moi, je voulais savoir. Moi, j'avais entendu dire que ça pouvait, admettons, une femme qui aurait développé des anticorps, elle pouvait faire des fausses couches à chaque fois qu'un fœtus se présentait avec le RH. Puis là, toi, tu me dis que ça arrive vers 28 semaines. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement des fausses couches en début de grossesse. C'est pas à cause du RH. Ah, OK. Il y a beaucoup de fausses couches qui sont maintenant identifiées à ce qu'on appelle des anticorps, le syndrome antiphospholipide. C'est femmes qui ont ce genre de syndrome-là, qui a été identifié maintenant. C'est des femmes qui, dans le dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses couches. Fait que ça arrive plus tard, ça prend vraiment un échange de sang, même in utero, pour que il se produise une réaction. Tout c'est pas juste parce que le concept aussi se développe. Vous pourriez être RH négatif, avoir 12 enfants qui ne sont jamais là. OK. Ça pourrait. C'est pas la situation reconnue, mais c'est comme oui. Est-ce que c'est possible que la mère soit positive, le bébé négatif, puis que le bébé s'attaque à la maman? Non. Pourquoi? S'il y a un mélange de sang, les cellules fœtales peuvent pas aller s'attaquer aux cellules maternelles. Répondez. On a pensé que c'était 0 à 6 mois. Ben lui, il est négatif, il faut. Si la mère est positive, là, son exemple, c'est si la mère est positive, bébé négatif. Oui. Mais s'il est négatif, il ne peut pas attaquer. Il n'a pas. Quand même que les cellules de bébé passeraient chez maman, oui. Ils sont RH négatifs. Ah oui. Donc, maman n'avait rien passé. Oui, pour savoir. OK? Négatif. Non, mais c'est intéressant comme question parce que ça nous permet. Non, mais ça, c'était pas genre si bébé. Si bébé est négatif, il reçoit du positif. Si dans bébé est négatif, puis maman est positive. Il n'y en a jamais de problème, parce que bébé, là, dans le fond, c'est quand même qu'il y a du sang de bébé RH négatif qui passe chez maman. Elle n'est pas là, la molécule RH. Donc, maman, elle ne la détectera pas. Mais le contraire, c'est contraire... du RH positif de maman qui s'envoie à bébé RH négatif, lui, il va se développer des anticorps. Ça n'arrive pas, dans ce sens-là. la circulation, vous allez voir, la circulation ne se fait pas vraiment dans ce sens-là. En fait, c'était ça ma question. Ouais, mais c'est ça, mais... J'essayais de me rendre à cette question. Oui. C'est pas pour toutes les mamans négatives, c'est pour les mamans négatives avec un congé positif. C'est ça. Parce que les mamans négatives avec un congé négatif. Donc, ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle un bon choix? Vous êtes vacciné dès la première grossesse. Si par exemple, c'est des mères qui décident d'avoir juste un enfant, pourquoi on donnerait le vaccin tout de suite à la première grossesse? Vous ne pouvez pas présumer comme professionnel du reste de la vie. Cette mère-là, si vous la mettez dans une condition où elle va développer ces anticorps-là, elle pourra faire un choc anaphylactique dans une autre situation, lors d'une transfusion, lors d'un... peu importe. Donc, vous ne pouvez pas... Parce qu'elle va avoir développé son système immunitaire contre la molécule RH, si vous ne donnez pas de vaccin. Le vaccin, ça l'empêche de développer? Complètement. On va voir comment. Mais c'est toutes des questions que d'habitude, je n'avais pas. Parce qu'en faisant les deux systèmes ensemble, ben, ça, les gens, on avait la chance de. Mais ça, je pense que c'est aussi bien quand on va le faire par la voie, ça va brasser les connaissances. Oui? Pour l'examen, là, si on a tout compris ça, c'est parfait. Il faut pas savoir un score D, C, non. C, ou ce que. C'est juste pour faire ça, c'est une bonne question. Je dis, par rapport aux professionnels, qu'est-ce qu'on doit. Moi, quand j'étais enceinte, les deux, mon conjoint et moi, on est négatif. Et la sage-femme là-bas, elle ne voulait pas. Je voulais pas l'avoir finalement, moi, le Winrey, parce que les deux, on était négatifs. Mais ça a été vraiment long avant qu'elle accepte de me le faire. Parce qu'elle dit, théoriquement, moi, je n'ai pas le droit de te croire que c'est Robert, le père. Non, mais vraiment, hein, elle était très, très sérieuse, puis ça a pris. Mais peut-être que si tu changes de conjoint, oui, c'est ça. Oui, mais là, pour elle changer. Elle dit, moi, dans la famille, là, si je te le fais pas, là, mais que toi, tu me dis que c'est lui, OK, mais si c'est pas lui. Mais ça peut arriver, ça? On va regarder tout ce que vous savez maintenant réécrire, puis tout ce que vous saurez aussi interpréter par rapport à ce qui est dans la loi que vous avez demandé. Donc, Winrow, c'est assez simple. Techniquement, c'est hyper simple. On va avoir un laboratoire à la Saint-Valentin. Il y a comme une journée Saint-Valentin pour faire le laboratoire. Donc, on prend un globule rouge de bébé. Dans ce cas-ci, ça peut être du sang carbone, ça peut être peuplé aussi. On prend des globules rouges et on suppose qu'il y a des anticorps à la surface. Vous les voyez ici, branchés sur le globule. Donc, d'un point de vue clinique, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que bébé, il y a des signes et symptômes de ces anticorps-là. Et les signes et symptômes, c'est? Valise. Donc, jaunisse. Donc, un hyper bébé qui est jaune un peu, une des raisons, ça peut être son hémolyse, comme vous disiez. Donc, on va aller vérifier si la jaunisse de bébé, ou l'hyper en bon français, de bébé, est due à ces petits follicules-là qui, vous le verrez dans les prochaines semaines, vont activer le système du complément, qui va venir se brancher ici et qui va drainer la lyse des cellules. On prend un anti-anticorps. Donc, un anticorps qui reconnaît un anticorps. Prends les globules rouges, on met ça dans un tube, on les lave. Il y a une recette de cuisine, là. Deux petites cuillères pour la pâte, tout ça. Là. Mettez les anticorps. S'il y a des anticorps à la surface, ces anti-anticorps-là vont se brancher sur les cellules et vont faire des ponts entre les cellules. Ça va faire que les cellules vont prendre ensemble. Ça va s'appeler une agglutination. Dans le fond du tube, on va voir un moton de cellules pris ensemble par ces molécules-là. Exactement comme vous voyez ici, là, c'est peut-être la plus belle image, ces ponts-là entre les anticorps. Donc, c'est comme si on prenait plein de globules qui sont dispersés un de l'autre dans une solution et qu'on les attache ensemble. Et on dira, si on voit cette chose-là dans le fond du sucre, on dira que c'est pour, on a un cause direct positif. Donc, si le cause direct est positif pour vous, comme clinicien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des anticorps à la surface des globules. C'est ça, ça. Il y a des anticorps à la surface. Pour vous, comme clinicienne du côté de l'obstétrique, c'est ça. Mais ça existe, ça existe dans toutes sortes de situations hématologiques. Ça existe dans les leucémies, ça existe dans toutes sortes d'autres situations. Mais pour vous, un coup, je dirais, ça va être fait normalement sur du sang de B. Mais s'il est direct, ça va expliquer la jaunisse que le bébé vous présente. Ça va? Le Coombs indirect, c'est chez maman. Le Coombs indirect. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vérifier si maman n'aurait pas des anticorps qui pourraient être nocifs pour bébé. Donc, des anticorps, des molécules qui circulent dans, dans son sang. On va prendre du sérum du sang de ma mère, on va enlever les cellules, on va regarder le sérum ou le plasma. Donc, si elle a des anticorps qui circulent contre, on va prendre RH, contre RH, ben, je vais les mettre dans un tube, puis je vais mettre des globules rouges RH positifs que j'ai achetés dans des compagnies. Les hématocytes. J'ai acheté ça, je sais qu'ils présentent la molécule RH. Les anticorps en circulation de ma mère vont se brancher sur mes globules rouges RH positifs. Ça va me faire cette structure-là, qui est exactement la même qu'ici. Et là, je recommence. Je fais ça. Je fais un peu un Coombs direct ici. Donc, si j'ai une réponse positive dans un Coombs indirect, comme clinicien, vous allez comprendre, il y a des anticorps qui circulent chez maman, qui vont attaquer potentiellement les globules rouges de bébé. Donc, le Coombs direct, le Coombs indirect, vous allez le faire quand? Quand vous allez voir maman. À quel moment de la, des visites vous allez faire ça? Au début de la grossesse. Au tout début de la grossesse, vous allez faire ça. Puis si là, ça ne marche pas, ben là, on oublie ça. On oublie ça. Ça veut dire qu'elle est RH. Non, ça n'a ça, ça pas, pas rapport. Ça n'a pas rapport, comme disent certains gangs. ça veut juste dire qu'elle n'a pas d'anticorps qui circulent dans son sang qui est capable de reconnaître différents hématies. Donc, ça pourrait avoir toutes sortes d'autres implications que juste le groupe RH. Okay, mais ça n'a pas rapport avec son statut RH. Oui. C'est pas également mélangé. Vous êtes réellement mélangé. Je suis content de ne pas être seul. Oui. Si il y a une réponse positive, ça peut encore dire qu'il y a des anticorps dans le moment qui vont potentiellement attaquer le bébé. Exact. Ah. Potentiellement. Oui. Mais si au début, il n'en a pas, on ne peut pas savoir que dans la grossesse, elle en développe. Ça va dépendre parce que si elle est RH positive, non. Si elle est RH négative, on va suivre, dans le fond, le développement d'anticorps. Pendant la grossesse, à différentes périodes de la grossesse. Oui. Oui. Je finis avec vous. On vérifie quand même, en même temps que le test de Coombs, on va vérifier le statut de RH de la maman. Toujours. Quand vous allez à la première visite, là, vous allez faire le groupe sanguin, vous allez faire des analyses de laboratoire, vous allez faire le groupe indirect, vous allez faire la détection d'anticorps. Ça fait partie de la procédure. Parce que si elle est RH. Parce que c'est juste si elle est RH. Vous voulez savoir si elle a des anticorps circulants. Là, on parle d'RH parce que c'est catalogué. Mais si elle a des anticorps circulants qui vont reconnaître différentes molécules qu'on risque de retrouver à la surface des globules rouges. Mais si elle est RH positif, c'est impossible qu'elle ait ça. C'est juste. C'est ça. Elle n'aura pas dans l'ancienne. C'est ça. Ça, c'est seulement pour les RH négatifs. Plus pour les. Il y a des vérifications à faire pour toutes les femmes. Non, on sait pas pourquoi. Non, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas juste RH qu'on vérifie, c'est d'autres. D'autres anticorps. Donc, la présence de d'autres anticorps circulants. Exactement. Parce que si ma mère vous dit. Écoute, moi, à 15 ans, j'ai eu un accident, j'ai eu une transfusion, ou elle s'est droguée, ou il y a ci, ou il y a ça. Il y a plein de choses maintenant qui peuvent être arrivées que vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'anticorps. Oui. Là, oui, il y avait beaucoup. À combien de temps on va regarder ici, au Québec, on va suivre les anticorps, la progression des anticorps? Ça va être à chaque visite. À chaque visite, ça va. Probablement qu'à chaque mois, surtout si maman est RH négative, vous allez vérifier dans le fond, s'il n'y a pas une augmentation du titre des anticorps. Juste CRH. Oui, juste CRH. Pas surtout. Non. Mais on n'a pas besoin de prendre une juste sur le doigt pour faire ça, parce qu'à chaque visite, c'est vraiment... Ben, CRH négatif, là, vous avez besoin d'une prise de sang. Alors moi, les face aux 2 mois, là, je ne sais pas le protocole dans les maisons de naissance. Ben, moi, je peux t'en parler. Oui, vas-y donc. Ben, moi, j'ai eu, mettons, une chose pour dépister mon test sanguin. Puis là, mon groupe sanguin, mon conjoint, il était négatif. Fait que là, après, j'ai juste eu le Winro. Ouais. Ben, j'ai juste un vaccin à 28 semaines. Puis quand le bébé, il naît, il teste le RH du bébé. Puis si le RH est négatif, il ne te redonne pas un Winro. Puis si le RH est positif, il te redonne un Winro. Ils n'ont jamais fait de contrôle mensuel ou pour vérifier l'évolution des anticorps ou quoi que ce soit. On est loin, ben, papa est RH négatif. Non, c'est ça. Ben non, moi, je suis négatif, lui, il est plus. Ah, t'as dit que t'as dit. Non, ben, ça se peut, je me suis mélangé. Mais sauf qu'à mettons, moi, je suis négatif, lui, est positif, puis j'avais besoin de ça. Mais ils n'ont jamais vérifier l'évolution des anticorps. Mais tu as eu le Winro. J'ai eu le Winro. C'est ça. C'est pour quelqu'un, mettons, qui déclinerait, qui voudrait faire ça. Ben là, tu peux faire un autre contrôle d'une autre façon. Tu vérifies le sang seulement si la personne travaille le temps. Ben oui. Plus, mais il faut faire attention. Là. Je veux qu'on me comprenne bien. Là. Je veux pas que ça soit juste. Là, c'est parce qu'au final, la plus facile, c'est RH. Mais dans l'organisme humain, là, c'est pas vrai qu'il y a juste RH. Il y a toutes sortes d'autres situations. Fait que quand on détecte des anticorps, par exemple, vous faites un test comme ça, même sur une maman RH positive, vous faites un pouce indirect, ça vous sort un anticorps XYZ qui réagit contre tel globule rouge. Donc, ce que vous allez faire pendant la grossesse, vous allez vous assurer que le titre de cet anticorps-là ne va pas augmenter chez maman. Parce que s'il augmente chez maman, vous allez mieux comprendre quand vous allez faire une nous, j'ai ça qui circule chez maman. Il y en a, encore là, je caricature, il y en a 100 dans les couilles qui circulent. Maman est enceinte, mais vous savez que ça réagit contre une molécule de globule rouge. Donc, vous avez besoin de vérifier pendant la grossesse qu'il n'y aura pas d'augmentation de cette quantité d'anticorps-là pour passer de 100 à 1000, je caricature toujours. Puis si c'est le cas, ça veut dire qu'il est en train de se développer une réaction entre maman et bébé. Là, on a pris le cas de RH parce que c'est le plus pathétique, le plus gros, mais il est loin d'avoir juste RH. Je ne veux pas qu'on simplifie non plus à RH, mais ça, c'est des recettes de cuisine, dans le fond, que vous allez suivre dans une maison de naissance. On va vous dire dans telle situation. Oui? Ben, peut-être, ça pourrait pas être juste une réaction de l'anticorps qui maman a développé, s'il y a une augmentation de l'anticorps, qui va pas nécessairement... Ben, ça pourrait, si c'était le cas, là, ça s'appellerait une réaction croisée. Parce que l'anticorps n'est pas supposé se brancher dans le globule rouge, c'est une infection. Fait que s'il s'est branché dans le coup indirect sur des globules rouges, c'est parce que ça s'appelle une réaction croisée. Mais, ça devrait pas, non? Tes anticorps, si tu as la grippe, tes anticorps, ils vont pas aller sur tes globules rouges. Si tu développes une infection, tu développes des anticorps. Si tu as une infection, tu développes des anticorps. Les anticorps, ils réagissent sur l'envahisseur, mais ils ne vont pas se brancher ces globules rouges. S'ils se branchent ces globules rouges et détectent les boules indirectes, c'est que c'est une réaction qu'on appelle en immunologie une réaction croisée. Mais de l'ordre, vous avez dit que ça pourrait être d'autres choses, est-ce que ça serait pas des Ça peut être d'autres molécules de la surface du globule rouge que ces anticorps-là reconnaissent. Si ces anticorps-là reconnaissent d'autres molécules sur la surface des globules rouges, et qu'en plus ces anticorps-là sont des IgG, ils vont passer dans le centre de B. Donc s'ils passent dans le centre de B et qu'ils reconnaissent la même molécule sur les globules rouges, ils vont entraîner la ligue des globules rouges. Donc il va falloir avoir un coup indirect, positif, puis en plus il va falloir. On appelle par la technique d'illusion, c'est identifier le type d'anticorps. Puis toutes les autres recettes qu'on a sur les globules rouges, on les a. Oui, la plupart des globules rouges, donc. Ouais. Mais les plus importants, c'est les ARB, les RH. Oui, mais il y a qui le SMS. Donc, on pourrait avoir toutes sortes d'autres réactions qui sont plus minimes que juste RH. Comment tu dis? Dans le fond, c'est un peu un exemple juste pour expliquer les revenus. Dans le fond, c'est égal à c'est parce que ici, c'est un sport, c'est tout à fait, c'est le but des coûts. C'est le but des coûts. C'est ouais, ben, une certaine compagnie. Ici, ça va être un coût direct, ça va être normalement pour expliquer un hectare. Donc, vous pouvez dire le genre d'un hectare et on s'assure que c'est pas ce sport-là. Puis ici, c'est pour prévenir, dans le fond, des problèmes, parce que maintenant, on est revenu. Vous le direz comme vous, hein, avant l'examen sur le coup. Vous direz. Oui, oui. Oui. Crossmatch est plus complexe que le coup. Moi, j'ai rien compris de sa question. Elle demande si c'est la même chose, le coup, que le crossmatch okay. En transfusion. Les crossmatch en transfusion, c'est qu'on mélange les deux sangs, receveur et donneur, et là, on évalue tout comme ça, ce qui peut. Produire une agglutination. Ça veut dire dans le coup, on n'évalue que certains éléments. Ben, je veux juste savoir, je suis peut-être dans le champ, mais ça peut arriver avec RH négatif positif, ça peut arriver avec A puis O oui, des oui. Fois. On va le voir, oui. Okay. Ça va émerger. Une femme qui décide de ne pas avoir Winrow, puis que là, on voit que des anticorps qui ont été produits, est-ce qu'il y a quelque chose à faire après ou c'est un pensé avant? Il faut qu'elle y pense avant, parce que quand elle en a développé, elle ne peut plus rien faire. Si après, là, ça va être des traitements médicaux, corticostéroïdes, pour minimiser l'impact du potentiel passage des globules rouges de bébé. Là, pour ça, c'est vraiment un mécanisme relativement doux, OK, pour éviter. Mais comme je vous dis, ça n'arrive pas tout le temps. Là. Faites-moi pas dire ce que je dis pas. C'est pas vrai que les bébés qui sont à RH positif et même à RH négatif, il y a toujours des problèmes. T'as combien de pourcentage que ça On est, la littérature est confondante un peu là-dessus. Là. Il y a des places où on va parler d'à peu près là, 3% des situations où ça peut arriver. D'autres auteurs vont vous dire 5%, d'autres auteurs vont vous dire 1%. Donc, je ne sais pas si ça va en fonction des ethnies ou quoi. Mais il y a des pourcentages qui sont un peu différents. Oui, bon, on revient à votre question. Ben oui. C'était, vous êtes confondu. Oui, je comprends. Ah! Mais je comprends un peu plus, mais le test de Coombs, c'est vraiment, quand on le fait chez la mère, c'est vraiment pour détecter un problème de c'est vraiment pour voir si la mère pourrait s'attaquer, développer un anticorps contre les cellules de son bébé. Si elle a déjà un anticorps qui circule, qui pourrait attaquer les cellules de bébé. Mais on le fait quand même au premier bébé. Oui. Fait que oui, mais c'est... Le globule rouge, fait que le globule rouge qu'on introduit dans son sang, c'est un globule rouge qui pourrait ressembler à celui. On n'introduit rien dans son sang. On prend du sang, on prend du sérum, on met ça dans un tube, puis on prend les globules rouges et on met dans un tube. Ben, c'est ça que je voulais dire. On prend du sang de la mère et on met ça dans le tube. OK, mais on n'introduit pas dans le sang. C'est ça, mais ce qu'on met dans son sang qui est dans le tube, c'est quelque chose qui peut ressembler aux cellules qu'il y aurait dans le bébé. Tout à fait. Avec différents épitopes ou différents antigènes dans la surface. Puis le coup direct, celui du bébé, c'est pourquoi donc expliquer la différence. On veut savoir. Regardez l'image, c'est assez parlable. Regardez la différence. Ça, c'est ma molécule achetée. Mon globule rouge acheté, excusez. Ça, c'est mon globule rouge de bébé. Mon globule rouge de bébé, il possède des anticorps à la surface. Mais ça, c'est normal. Donc, on va détecter l'anticorps par un anti-anticorps. On va faire ce réseau-là, on va faire l'agglutination. Donc, ça veut dire l'agglutination positive en un coup direct. Veut dire que les anticorps à la surface du globule rouge qui risquent d'être les auteurs de l'hémolyse. Ce qui veut dire que la mère serait possiblement en train d'attaquer les cellules de son bébé. Tout à fait. On passe au globule blanc. C'est bon? Oui. Donc, mais ça vaut la peine d'être lu, OK? Comme pour Coombs direct, Coombs indirect. Ça fait aussi quelque chose qui va vous préoccuper que vous allez utiliser dans la réalité. Oui. Donc, Vous, ça, est-ce que vous avez regardé, vous avez demandé de regarder pour les détections des groupes embryons? C'est assez simple. Il y a toujours deux épreuves quand on fait du coupage cellulaire. Donc, quand on définit votre groupe sanguin, on n'utilise plus maintenant le sérum anti-anticoïde. Donc, on utilise l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique. On utilise les deux toujours. Quand toutes celles qui connaissent leur groupe sanguin, il y a toujours eu les deux épreuves de fait sur votre sang. On fait une épreuve globulaire, c'est-à-dire qu'on va prendre votre sang et on va garder vos globules. Puis, pour faire l'épreuve sérique, on va garder votre plasma. Et les deux doivent concorder. Donc, à la lueur de ce qu'on sait maintenant, dans les tubes où j'aurais mis vos globules, l'épreuve globulaire, où j'aurais mis vos globules rouges, j'aurais mis dans un tube un sérum anti-A, donc un sérum A, avec un anticorps qui reconnaît la molécule A. Dans un deuxième tube, un sérum avec un anticorps qui reconnaît la molécule B. D'accord? Si vos globules rouges sont porteurs de la molécule A, vous allez avoir une agglutination dans le fond du tube. On a compris ça depuis le début. Puis si vos globules rouges ne portent pas de molécule B à leur surface, vous n'aurez pas d'agglutination. Donc, en théorie, vous êtes ici, vous, le groupe A. Pour confirmer ça, vous devrez avoir dans votre sang quel type d'anticorps? Anti-B. Donc, dans l'épreuve sérique, j'ai acheté des globules rouges avec, c'est comme ça, on achète des globules rouges avec antigène A, antigène B. Mais votre plasma qui devrait contenir vos anticorps naturels dans le tube et je mets mes globules rouges A, mes globules rouges B. Donc, pour confirmer ceci, je devrais avoir une agglutination là et c'est ce que j'ai. Donc, vous avez des anticorps anti-B qui réagissent contre les globules rouges commerciales B, ce qui veut dire que c'est exactement ce qu'on a quand on est le groupe A. Et c'est comme ça tout au long. Alors, c'est le même raisonnement qu'on applique partout. Donc, ça veut dire que si on prend, par exemple, le groupe O, groupe majoritaire, je ne devrais pas avoir de réaction de mes cellules O parce qu'elles portent la molécule H, mais elles ne portent pas la molécule A ni B. Ni contre les anti-A, ni contre les anti-B. C'est ce que j'ai ici. Mais dans le sang des gens de groupe O, je devrais avoir des anticorps anti-A et des anticorps anti-B, puisque je n'ai pas ces molécules-là à la surface des cellules. Et quand je mets le plasma de ces gens-là avec des hématies commerciales, j'ai ces réactions d'agglutination. Donc, ça correspond vraiment à un groupe. Vous pouvez affûter le même raisonnement partout. C'est bon? Oui? Pour les preuves globulaires, on prend ce qui est centrifugé? Les preuves globulaires, on centrifuge doucement, on prend des hématies, on les met dans une solution à peu près 3%, et oui, on prend ces hématies. Oh oui, oui, sans problème. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Bon, maintenant que vous avez bien compris tout le monde, voici l'arbre de transfusion. Normalement, qu'est-ce que vous m'avez déjà dit? Oh, c'est quoi? Donneur universel. Donneur universel. OK. Donc, il devrait, selon votre conception de l'immunohématologie, pouvoir donner comme ceci. Correct? Ça correspond à votre perception? Mm-hmm. Ben, il peut donner à lui-même aussi. À lui-même aussi. On est d'accord? Si je suis votre raisonnement, ça devrait faire ça. Correct? Oui. Oui. Indépendamment de Jésus, c'est de... On dit qu'on est tous à Jésus-Christ. Donc, là, si je suis votre raisonnement, là, je suis vraiment dans le champ. Parce que le groupe O, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait dans son sang? Anti-P. Donc, moi, je prends le sang de O que vous m'avez dit qu'il allait recevoir universel. La mère universelle? Non, excusez. La mère universelle. Puis là, je garde ça chez O. Puis là, je dis, mon Dieu, j'aille pas, parce qu'il y a une anémie, il y a vraiment une grande souci. Là, j'ai garoche plein d'antibiotiques. Puis il y a déjà une anémie, si je donne du sang, c'est qu'il y a déjà un problème avec son sang. Et là, je lui donne des antibiotiques. Alors là, on est quand même dans notre faculté de médecine ici. Ajustons nos lumières pour les groupes, pour les transfusions. Alors. Ben, on ne doit pas donner le sérum, on doit donner juste les globules. On s'est fait fourrer. On a des petits globules. C'est ça. Donc, quand vous donnez du sang à Emma Québec, on prend la poche de sang, on la vire, on la centrifuge, on la lave. Okay? Et ce qu'on va donner, c'est des hématocrites dans la poche qui vont être à peu près à 75%, donc très élevé. Mais ça va être surtout des cellules. Il y a très peu de plasma. Donc, votre arbre décisionnel est correct, mais il faut comprendre que c'est des cellules. Quand on donne du sang, on donne des cellules, on ne donne pas le sang complet, on ne donne pas le plasma des individus quand on donne du sang. Et même si c'est un petit peu de plasma, c'est pas dangereux? Non, c'est pas tout. Ben, en général, il y en a assez peu pour produire une réaction quelconque. Mais si ton sang est trop parti, mais ton plasma, t'es paquet avec tes globules. Oui, c'est ça. Sur un plasma de plasma. Plasma préparé. On peut le faire. Mais bon, il y a des lavages qui se font sur la poche de sang. Donc, c'est majoritairement des cellules rouges qu'on va donner à quelqu'un qui a une anémie. Et non pas du sang, comme on a la perception de ce que c'est. Est-ce qu'on a besoin de faire ça si c'est un O à O, mettons, ou un A à A? Oui, toujours. Toujours parce que. Je ne vous ai parlé que des 40 groupes sanguins, des 30 et quelques groupes sanguins, mais il y en a toutes sortes d'autres molécules aussi. Fait que dans le fond, là, l'idée, c'est qu'on donne les cellules. OK. Il y a plus que 30 groupes sanguins, on s'approche de 40 groupes sanguins. ABO, RH, KIT, KEL, LEWIS, SEMENET, DOFINIR, comme ça. Donc, c'est à la surface de chacun de nos îles possibles. Et tantôt, la question était... très pertinente dans le sang, quand on fait le transfert, c'est quand vous donnez du sang, on statue sur le sang que vous avez donné. On dit ça, c'est AB, RH positif, DOFI positif, KID négatif, KEL positif. Donc, on identifie carrément votre sang. On le met dans un réfrigérateur, qui s'appelle banque de sang, simplement. C'est un réfrigérateur, et on le conserve 40 jours. Quand on vient pour le redonner à un patient qui en a besoin, on doit donc connaître comme il faut le groupe sanguin du patient. Mais au-delà de ça, on va toujours à la fin prendre les deux sangs qui marchent le mieux. Et au-delà de ça, on va mélanger les deux sangs pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'agglutination. Ça s'appelle le cross-match. Et s'il y a une agglutination, ça veut dire que ça va agglutiner dans les vaisseaux du patient, ce qui est très, très mauvais. Et dans le fond, ça montre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas détecté dans les premières années sur les différents groupes sanguins. C'est bon? Donc là, il faut que je passe à autre chose, parce que là, on va avoir besoin de plus que 5 cours, si ça qu'on dit. Oui? Là, si vous allez en parler, est-ce qu'il peut y avoir une réaction de la mère qui est anti-AOP pour l'aider? Oui, mais... C'est ce qui arrive encore le plus fréquemment, c'est les réactions sur le système ABO. Donc, c'est des réactions qui sont beaucoup plus faibles qu'une réaction RH. C'est des réactions qui sont rarement dangereuses, mais c'est des réactions qui vont produire des hiccups. C'est-à-dire qu'encore là, mauvais choix de conjoint, je parle maintenant, je parle de groupe ABO, et maman et, je dirais, mon autre conjoint. Donc, maman, elle a des anti-A et des anti-B qui circulent naturellement. Et le conjoint est B. Donc, BB. Si le conjoint est B et que son génotype est BB, le BB aura donc, sera donc le groupe B, puisque maman est le groupe B. Donc, OO avec BB, ça fait BO, et c'est nécessairement B comme phénotype. Donc, il y a la molécule B. Il va 95 % du temps, nos anticorps naturels, qui sont les compléments de ce qu'on a parlé par rapport aux molécules A et B, donc nos immunoglobulines anti-A et anti-B, sont des IgM. Donc, pas de danger, même si papa n'a pas le bon groupe ABO, ces anticorps-là, anti-A et anti-B, qui sont normalement dans notre circulation, ne vont pas traverser chez eux. Okay? Mais il va arriver chez certaines d'entre vous qu'il y a eu, il y a quelques IgG aussi, anti-A et anti-B. Et ces IgG-là vont nécessairement traverser la barrière placentaire et vont aller attaquer les globules rouges de bébé. Ce qui peut entraîner un hyperléger chez bébé à la naissance. Pas pendant la grossesse, puisque dans le fond, la bilirubine formée pendant la grossesse, c'est le choix de maman qui s'en occupe. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça peut arriver que ce bébé a un hyper, dans le fond, ou à 72 heures, par exemple, après la naissance. Ce n'est pas grave. En général, ça prend un peu d'immunothérapie. Puis ça se règle assez facilement. Ce n'est pas quelque chose qui est lourd de conséquences comme RH, mais ça l'arrive comme tel et ça l'explique une partie des hyper qu'on voit aujourd'hui. L'hyper physiologique, non. L'hyper physiologique, c'est le trop plein de globules rouges qui s'élimine. Tandis que ça, c'est vraiment un problème, c'est une pathologie. Oui. Si maman continue à avoir des enfants avec papa qui est groupe B, le deuxième enfant, est-ce que l'hyper peut être plus prononcé vu qu'elle possède déjà des... Répondez à votre question. Ben, je dirais oui, là, ce serait logique. Vous diriez oui. Si vous aviez fait immuno, vous diriez non, parce que ce sont des anticorps naturels. Mais si la maman, là, elle voit que le bébé est B, elle va y en envoyer, fait qu'elle va créer une... Mais elle n'en développe pas. Non, c'est, le système immunitaire, c'est juste ses anticorps naturels. Il n'y en a pas plus, ils sont déjà là. Fait qu'il va juste avoir juste tout le temps 5 %. Ça ne l'augmentera pas même plus que ça. Non, ça ne l'augmentera pas. C'est bon? On va changer de registre, si vous voulez. Parce qu'il faut absolument aussi, tantôt, après la pause, commencer l'hémostase, si on veut la finir en première partie de la semaine prochaine, pour aller voir un peu le résumé de tout ça au laboratoire. Donc, achat-là, tout le monde sait c'est quoi? J'ai même un passage d'oxygène. Oui, non, oui, quand les yeux baissent comme ça, normalement, avec les cahiers, c'est pas clair. On a entendu parler, là, mais on parle du rafraîchissement. Oui, donc, rappelez-moi ce que vous avez parlé. Ah, monsieur, c'est loin, hein? Vous citez un système de détection qui ben, tu l'acceptes et puis tu ne l'enjettes pas. C'est ça. En fait, c'est les molécules de la surface de nos cellules qui nous sont propres. Il y a un tel polymorphisme. Il y a un tel polymorphisme de ces antigènes-là qu'il ne peut pas avoir deux individus à peu près dans le monde qui ont exactement le même système à cheval. Juste dans la classe A, il y a, je ne sais plus combien, je pense que c'est 30 allèles possibles. Dans la classe B, il y en a 40. Dans la classe C, dans la classe BR, etc. Donc, le polymorphisme de tout ça, le mélange de tout ça, fait que c'est peu probable qu'on ait deux individus pareils. Et ça, c'est sur chacune de nos cellules de notre organisme. Ça s'appelle le complexe majeur d'histocompatibilité en français, le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Et... c'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable de donner l'organe facilement à quelqu'un, vous n'êtes pas capable de recevoir l'organe facilement. Pour recevoir une transplantation, il faut atténuer le système immunitaire, la vie dure. Une fois qu'on vous a fait une greffe de cœur, une greffe de poumon, on abaisse le système immunitaire pour empêcher les réactions en fait, contre ces antigènes-là. On va toujours essayer d'avoir les antigènes le plus près possible quand on fait une transplantation d'organes. Ça n'arrive jamais de complètement identique, mais il y a des antigènes qui sont plus immunogènes que d'autres. Donc, on va essayer de vous placer des organes qui sont le plus compatibles possible. Donc, quand on vous entendez parler de greffe d'organes, ben, c'est des gens qu'on a trouvés dans la banque de donneurs mondiale. On a trouvé des gens qui ont un HLA ou un CMH le plus près de vous et qu'on est capable de vous transmettre. Donc, les gens qui ont le plus dans, c'est toujours dans notre fratrie qu'on a le plus de chances d'avoir un antigène de CMH compatible. Donc, si on a un jumeau en homozygote, c'est probable qu'on pourra avoir un organe, de un rein de cette personne-là. Si on a un frère ou une sœur, on a une chance sur quatre d'avoir des antigènes d'histocompatibilité qui sont associables. Et quand on sort de la fratrie, ben, ça devient une loterie à travers le monde pour réussir à trouver un donneur compatible. Les parents ne peuvent jamais être un donneur puisque vous recevez le CMH d'un parent et le CMH de l'autre parent. Donc, vous êtes un mix des deux complexes d'histocompatibilité, donc vous n'arriverez jamais à avoir l'organe de vos parents. Ça va, et vous serez comme parent jamais capable de donner des organes, à moins d'avoir un IHE hyper spécialisé, ce qui est extrêmement bon. Deux mots sur la granulopoïèse. Vous en ferez la lecture, s'il vous plaît, dans le cahier, mais on ne va pas aller très loin dans ça. On va juste retourner à la formule sanguine par rapport à ça. Les granulocytes, qu'ils soient de type basophile, éosinophile, neutrophile, n'ont pas d'action dans le sang. Ils ont une action dans les tissus. Je vous rappelle le pôle marginal, le pôle circulant des granulocytes. Le pôle marginal, c'est la moitié de nos granulocytes qui sont collés sur l'endothélium de nos vaisseaux. Le pôle circulant, c'est l'autre moitié. Donc, et qu'est-ce qui fait décoller le pôle marginal? Le pôle marginal, c'est celui qui est prêt à s'invaginer pour rentrer dans les tissus. Il fait la peur, l'adrénaline, l'effort physique, etc. Donc, maman qui vient d'accoucher, il faut parler que si vous faites une prise de sang là, ben, elle risque d'avoir pas mal de granulocytes parce qu'elle vient d'accoucher, donc le pôle marginal va probablement décoller et il y a plus de granulocytes en aval. Les équilibres se font relativement rapidement dans notre organisme et ça se replace assez facilement en question d'heure. Donc, c'est pas un gros problème sanguin comme ça. Je veux juste pour vous, comme clinicien, revenir à on va revenir à une formule sanguine. Prenez une dernière formule sanguine dans votre cahier. On va regarder la granulopoïèse. N'importe laquelle, c'est pas grave. Il y a un élément truqué dans une formule sanguine. Oui? Le bleu blanc. Toutes les deux côtés. Donc, on a vu assez bien la lignée des globules qui est ici. On va regarder deux mots sur la lignée des globules blancs. D'abord, la première donnée que vous avez dans l'appareil automatique, c'est les globules blancs. White blood cell. Tout le monde en sait le quoi. Leucocyte, cellule, leucoblanc. Alors, normal, entre 4.5 et 10.9, par 10 à 20 pour 8. S'il y en a plus que ça, le globule blanc, il n'y en a pas beaucoup plus. Genre, jusqu'à 15, 18, 20. On va souvent parler d'infection. Donc, vous recevez quelqu'un, vous faites la première consultation, faites une formule sanguine, le résultat vient 14, 3. Là, il faut vérifier pour voir si ce n'est pas une infection quelconque qui n'a pas été déclarée. Les cancers hématologiques présentent des globules blancs beaucoup plus élevés. Par exemple, une leucémie myéloïde chronique peut présenter 200 dollars. Okay. Donc, en bas, on dit, mais c'est roughly, là, on dit qu'en bas de 40, là, normalement, là, c'est des infections. Puis en haut de ça, on commence à suspecter quelque chose de plus grave que ça. Donc, c'est un peu des limites arbitraires que les gens sont donnés pour travailler de cette façon. Et la passe que tout le monde se fait attraper, incluant les étudiants de médecine quand ils passent les premiers examens, c'est toujours la différentielle relative et absolue. Tous les appareils de laboratoire vous donnent d'abord un pourcentage de lymphocytes entre ça et ça. Pourcentage de monocytes, pourcentage de granulocytes. Il y a même des appareils qui vont vous distinguer les granulocytes neutrophiles, basophiles et eosinophiles. Ça, c'est un pourcentage. Vous ne vous occupez jamais du pourcentage. C'est lequel chiffre, le pourcentage? Toutes les cellules sont exprimées en pourcentage au départ. Pourquoi? Parce que quand on veut les exprimer en absolu, la valeur qui est importante, si j'ai 10% de l'info, c'est 10% de quoi? Les lymphocytes, c'est un globule blanc. C'est 10% de la somme des globules blancs. Donc, si j'ai 10% de l'info, c'est 10% de la valeur qui sera ici. Et j'aurai mon nombre de lymphocytes qui devrait se situer entre 1.3 et 3.5 par 10 à la 9 ou 8 en valeur absolue. Donc, tous les termes qu'on utilise pour les globules blancs, lymphocytose, lymphopénie, en relation avec le nombre absolu. Monocytose, monocytopénie, non, absolu. Granulocytose, granulopénie, le nombre absolu. Vous pourriez avoir un pourcentage qui est d'apparence anormale, mais un nombre normal de cellules. Donc, si vous avez un nombre normal de cellules, il n'y a rien là. Okay? Donc, et tous ces termes-là qu'on a, même, je me souviens, la première, on a parlé, un moment donné, on a parlé de l'hypopoïèse, on a parlé de l'infopoïèse, dans les termes. Ça s'applique toujours au nombre absolu. Ceci ne sert qu'à faire le calcul. Dans les examens, ce qui arrive des fois, pour mêler les étudiants, c'est qu'on donne juste le pourcentage de grâce calculé pour arriver au nombre absolu. 10% de quelque chose, vous devriez pas avoir une calculatrice. Okay. Donc, faites attention à ça. Toujours le nombre absolu. Donc, tous les termes que vous décrirez dans un transfert, par exemple, si vous avez plus de lymphocytes, vous n'allez pas dire qu'il y a plus de lymphocytes, même si il y en a plus ici. Si vous dites qu'il y a plus de lymphocytes, vous allez utiliser le mot lymphocytose, et ça va être parce que cette valeur-là ici va être plus élevée que la valeur qui est là. C'est clair pour tout le monde. Donc le chiffre à gauche, c'est le pourcentage, le chiffre à droite, c'est le nombre absolu. Puis si on n'a pas le nombre absolu, on prend le chiffre à gauche pour du total des white blood cells. Ça, c'est les, par 10 à la 9 ou 8, ça, c'est les valeurs normales. Oui. Ici, on aurait un chiffre. Oui. C'est le nombre. Ça, c'est un nombre absolu, 10 à la 9. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'unité. Oui. Donc, c'est un pourcentage. Donc, ici, ça va être 10 % 4 % 60 % 60 % du nombre qui est là, ça va donner quelque chose qui est en dessous de ça. Donc, à droite, complètement, c'est les valeurs de référence. Autant pour le pourcentage que pour le nombre absolu. Ici, vous avez le nombre absolu en litres. Ici, vous avez la valeur. C'est clair pour tout le monde? Non. C'est quelque chose que... Non? Est-ce qu'il n'est pas clair? Ben, moi, je ne vois pas où est-ce qu'ils sont les pourcentages, là. Bon, on va donner les gens dans quel cas. Lesquels qui sont les pourcentages? Dans le rapport en français, ça va se faire. Il est où ton rapport? Page 61. Quelle page? Page 61. Donnez-moi là les chiffres. 5.9. On a un peu. Leucocyte, 5.9. Non. Et quoi? White blood cell. Ah, j'ai compris red blood cell. Non. Combien? 5.9. En glucose, 5.9. Le c'est 60. Après? L, Y, pourcentage. Oui, c'est combien? 0.293. Oui. 0.050. 0.657. Donc, L, Y ici est égal à? 1.7, je pense. Oui, 1.7. Oui, puis après, on n'y pas. 5.9, le dernier, non? 5.9, lequel? Le dernier. Mes globules rouges. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Lymphocyte, monocyte, granulocyte. Mais en haut de lymphocyte, c'est quoi? Nacho. Lymphocyte, monocyte, granulocyte, leucocyte. White blood cell. White blood cell. Ça veut dire la même chose. White blood cell, c'est en anglais, leucocyte. C'est en... Il y a toujours deux fois. La fois en pourcentage. Bon, c'est ça. 0.293 de ceci. 0.293 multiplié par 5.9, ça devrait donner 1.7. 0.293 fois 5.9 devrait donner 1.7. 0.05 de ça devrait donner la valeur qu'on lit pas. Et 0.657 de ceci. Multiplié, donne ça. Oups, ça se peut pas. 0.657 fois 5.9, ça ne peut pas donner 5.9, mais ça. Parce que le pays est rentré effacé, tu sais. On ne voit pas vraiment grand-chose. C'est vrai. Donc, il est passé. Du temps? Page 60. En plus, on va voir là, mais. Fait que, mettons, 5.9, là, c'est le total des trois derniers. C'est ça? Regardez, toutes les voitures. Oui, on va poser en français. Et donc, regardez la deuxième partie différentielle. Valeur relative. Valeur relative, c'est le pourcentage. Donc, j'ai 0.82% de neutrophile. 0.82, si vous montez à la colonne d'en haut, il y a 13.9 par 10 à la main. 0.82 multiplié par 13.9 vous donne 11.3. Les valeurs de référence de ce laboratoire-là sont de 1.8 à 8.4. Donc, j'ai une neutrophilie. J'ai trop de globules neutrophiles, trop de cellules neutrophiles. Bien, moi, c'est allé un peu trop vite, là. J'ai pas trouvé les pourcentages. Je m'excuse. 0.82. Ah, OK. Multiplié par la première ligne d'en haut, 13.9. 0.82 fois 13.9 donne 11.30. C'est au-delà de la valeur absolue qui est 8.40 le maximum. Philippe ou neutrocyte. C'est la même chose. Donc, vous voyez, les autres sont tous normaux. Et dans ce rapport-là, on ne donne même pas de référence pour la valeur relative. On vous donne juste la valeur relative du patient, la multiplication, donc la valeur absolue. Et après ça, si ça rentre ou pas dans les valeurs normales. Quand vous n'avez pas de flag, donc ici le flag c'est un astérix, c'est que normalement c'est dans les valeurs normales. Quand on a un flag, ça peut être un astérix, un H pour I, un L pour l'eau. C'est là que ça va attirer encore plus votre attention. Fait que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils regardent juste la valeur relative. Exact. Puis là, ils disent 0.82, ah, c'est une neutro. Exact. Donc, c'est faux. C'est toujours en valeur en neutrophilie. C'est toujours en valeur absolue. Oui? Okay. Où est-ce qu'il est l'erreur dans ce qu'elle vient de dire? J'ai pas écouté, moi je t'entends. Mais pas écouté, c'est terrible, on ne vous écoute pas. Non, non, on n'a pas entendu. Non, mais je comprenais pas encore. Là. On n'entend pas ici, là. Mais j'ai dit que comme c'est globule rouge, j'étais dans la numération, mais je. personne-là. Pourquoi qu'elle a une anémie? Qu'est-ce qui définit une anémie? L'hémoglobine. L'hémoglobine est correct. Donc, on ne s'occupe pas des hémoglobines. C'est normal. OK? Donc, elle a une neutrophilie ou une neutrocytose. Ça veut dire que probablement qu'à 13,9 comme ça, il y a une infection à quelque part. OK? Oui. N'importe quelle infection de n'importe quel degré va augmenter ces valeurs de leucocytes-là? Oui. Les leucocytes sont plus l'infection est probable, plus le nombre de leucocytes va monter. Après ça, si c'est une infection bien particulière du système immunitaire, dans tes leucocytes, ça va être majoritairement des lymphocytes qui vont être augmentés. Puis ça, là, juste par curiosité, c'est les, quand, mettons, dans le stade de l'infection de ce type-là, c'est les médecins qui vont regarder ça, puis les labos. C'est les médecins. Mais d'abord, c'est le labo qui produit, mais c'est le médecin qui interprète. Comme pour vous, pour les autres éléments qu'on a vus, ceci ne fait pas partie de votre champ de compétence. OK? Mais dans le fond, c'est correct qu'on le sache, là. Si on revient avec le test de Coombs chez la mère indirect, qui est dans le plasma, qui est dans avec ces globules blancs-là, ou pas pantoute du tout par rapport... Okay. Pas là non plus. C'est bon? Je peux pas, si on ne fait pas de l'immuno, je ne peux pas aller plus loin que ça dans les globules blancs. Je ne veux pas aller plus loin non plus, parce que c'est pas... Dans votre champ de prescription. Donc, on arrêterait l'aspect des globules blancs. C'est pas grand-chose que je vous ai demandé là, pour les globules blancs, mais sachez-le parce que ça va se présenter fort probablement à l'examen. Y a-t-il une leucopénie? Y a-t-il une lymphocytose? Y a-t-il où? Décrivez-moi la formule sanguine. Quelles sont les anomalies dans la formule sanguine que vous voyez? Donc, vous avez besoin d'utiliser les bons termes, mais vous avez besoin de les utiliser à la bonne place. Pas avec des pourcentages, mais avec des valeurs absolues. C'est bon? Oui. Clean pour tout le monde? Mm-hmm. Allez, c'est l'heure de la pause 5 secondes. Oh, merci. Y a-t-il une machine à café? Bon, tu sais, du café, y en a-tu qui s'endorment?